So it's for the girl them. This is a banger. Maman, c'est pas que je passe à la radio. Yeah. Que de la fac, je me suis radié. Toujours un clown de la famille qui vient te juger. Non, moi je l'envoie au diable. Plus beaucoup d'avant dans le sablier. Subhanallah, des fois j'ai pas prié. Quand le son de la cloche va retentir, va pas se mentir. Tant pis, sera trop tard pour se repentir. Envieux seront ceux du tien. Toi pendant ce temps, tu jalouses Jeanne. Elle se dit que cette ago, elle va être présentée à son daron. Mais toi, tu veux juste Ken. Tu sais, des fois, je me dis que ce chemin est maudit. C'est milieu et malsain, c'est ce qu'ils m'ont dit. Des fois, je repense à ce temps, à mon taudis. Ce soir, c'est tribunal et je n'ai pas tout dit. Yeah. Bref, moi c'est ça, il se fait des calèmes. Et son journal est à Jamaïque, hein, ouais, c'est ça que j'aime. Mes potes me reconnaissent plus quand j'aime danger. Quand j'ai quelqu'un pour rocher ce con qui a flanché. Chez nous, personne ne s'est penché. Pas même pour avoir de quoi déjeuner à midi. Je viens de la couler casse, ouais. Pour rien au monde, je ne pourrais changer. Tu sais, des fois, je me dis que ce chemin est maudit. C'est milieu et malsain, c'est ce qu'ils m'ont dit. Des fois, je repense à ce temps, à mon taudis. Ce soir, c'est tribunal et je n'ai pas tout dit. Yeah. You know we have fever. Ha. Corridor. J'avoue, je me suis inspiré de Burna Boy. Ah ouais? Quand je fais. Ha. Merde. Corridor. On peut pas, c'était ça. Bah.